Quand on accueille autant de nouvelles entrées, j'ai dit qu'il y en avait combien tantôt? 9? Ça veut dire qu'il faut dire au revoir à 9 pièces. Oh, on peut me rest in peace. Ah, bien dit. Just mountains of change. Voici les pièces qui ont quitté les palmarès depuis la précédente édition. C'était nécessaire des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 7 au 13 avril 2014. On a donc dit au revoir à Squelette de bois de Jacques Maure qui était là pour un bon 9 semaines. Mais Colin, c'est déjà de retour, Jacques Maure. Ça n'a pas l'allure, mais c'est déjà de retour. On l'a entendu il y a quelques minutes à peine. Avant ça, c'était Alexandre Desilets et Perle Rare, lui aussi de retour, mais cette pièce-là a duré 7 semaines. Ensuite, on a dit au revoir à Mange l'ours mange et Brody Days, qui est resté 8 semaines, qui est aussi de retour cette semaine. On peut pas s'en séparer, là. Non, c'est ça. On peut se séparer, par contre, de Jimmy Hunt, qui est mort à la chasse, je crois. Marie les Bleus, qui a duré 7 semaines. On a dit au revoir à Claude Pelgag, sa pièce comme des rames, qui est resté 8 semaines, mais qui est aussi de retour cette semaine. Jobin n'est pas de retour, mais hein? Mais là, 7 semaines, SCET. Mais là, tantôt, c'était 7 semaines... SBC. C'est CETTE, mais ouais, pas mal. Dans le fond, je comprends ce que tu voulais dire, mais ouais, c'est ça. Cette semaine, comme. Qui est de retour cette semaine, genre CETTE. Oui, mais rester cette semaine, SEPT. SEPT. Ah, SEPT. SEPT. On dirait un rap, SEPT. Ensuite, Joe Bin, qui lui, malheureusement, a dû prendre une petite balade vers l'extérieur des Palmarès avec Take a Ride, qui a duré cette semaine, mais il n'est pas de retour encore, lui. Peut-être la semaine prochaine, non, c'est bon. Peut-être qu'il s'est trouvé une Joe Bin, puis qu'il a décidé de pas revenir. Oh, c'est bon, ça, un minimum, tout. Une Joe Bin. C'est drôle. On a dit au revoir à Broken Bells et Holding On For Life, qui est resté 9 semaines. Il est aussi de retour. Exact. Gramercy Riffs n'est pas de retour. Il faut vraiment spécifier parce que presque tout est de retour. Gramercy Riffs, je vais la regretter, cette pièce-là. Elle me manque déjà. Desire Trails qui a duré 7 semaines. Et finalement, on a Sacré Dehors et Sexy Mathematics. Est-ce qu'on n'aime pas ça, les maths? Non, ni l'hiver, en fait. Winter. Non, non. C'est resté seulement 4 semaines. Ouais, ben ça fait son temps. Une pièce étrange, hein? Oui. Avec une grosse voix grave de robot style. Je la trouvais bizarre, pas déplaisante, même que je trouve qu'elle avait une caractéristique plaisante, mais pas nécessairement radiophonique, tout à fait. Mais bon, Winter de Sexy Mathematics. Ben, c'est sûr que ça va chercher un public peut-être encore moins large que les autres tunes qu'on a, qui vont déjà pas chercher nécessairement un public très large. C'est ça, c'est de la musique différente, certains diraient spéciale, selon certains. Moi, je dis bonne. Contrairement à ailleurs. T'sais. Très d'accord. Très bon, ouais. Très d'accord. Voilà pour Palmer Rest in Peace. On fait ça chaque semaine. D'habitude, je dirais début d'émission, mais il est rendu comme E50 dans ces coins-là. Donc, c'est bien sûr qu'on a eu beaucoup de nouvelles entrées. Ouais. Ça dépend. Si tu vas partir, on est encore au début de l'émission. T'as raison. C'est comme tantôt quand j'ai dit que j'avais fait jouer des chansons en début de semaine, mais c'était mercredi. Ben, c'est le début de la semaine, mercredi, quand tu comptes les 7 jours d'une semaine entre lundi et dimanche. Mercredi, c'est le début de la semaine. Non, ça compte pas. Là. On parle de semaine de travail. On parle de jours ouvrables. J'essayais de m'en sortir d'avoir dit ça tantôt, mais ça marche pas.